OK. C'est un produit des États-Unis. C'est 98% sans gras. Donc, en français, on dit 98% maigre. 13 grammes de protéines, 5 grammes de glucides, aucun GMS ajouté. Donc, tout ça, c'est par portion. Donc, évidemment, c'est arrondi. Sauf... Ah, tiens, c'est... J'ai jamais vu ça. C'est marqué. Sans GMS ajouté, la protéine de maïs hydrolysée contient naturellement du GMS. Ben, c'est comme sur... par exemple, dans les charcuteries, il y a les nouvelles... Ben, en fait, on a démontré que les nitrites, c'était très mauvais pour la santé dans les charcuteries. Donc, il y a des entreprises qui ont sorti des produits sans nitrites ajoutés, sauf celui qui est contenu naturellement dans... je sais pas quoi pour assaisonner. Tu peux pas l'enlever, mais bref, mettons... ça revient au même exactement. Okay. Donc même s'il n'y en a pas d'ajouter artificiellement, il y en a quand même, c'est tout aussi néfaste. Donc c'est juste un truc de marketing. Là. Eh ben. Donc ça semble un peu la même chose. Eh ben. Même si je n'ai aucune idée c'est quoi le GMS. Là. Absolument. Je connais le GME. Ah, le groupe de mes étudiants. Oui, mais le GG ne menait. Là. Ça dit que ça a été inspecté par le département de l'agriculture aux États-Unis et c'est la qualité garantie par la famille Jack Link depuis 1885. Ah, ben là, ça, moi, la famille Link, là... Oh, oui, A Link to the Past, comme on dit dans Zelda. Le jerky de dingue de Jack Link's classique est fait... Le jerky est fait. En tout cas, de belles languettes de viande blanche de la poitrine de dinde. Une fois assaisonnées et rôties, ces languettes sont fumées à la perfection, vous procurant ce goût subtil et authentique que vous recherchez. Outre cette jerky... Mais CET, même pas au féminin. C'est tantôt, c'était féminin. Outre cette jerky... Peut-être des petites fautes de traduction. Peut-être. Outre ce jerky de dinde classique, Jack Link's vous offre une vaste gamme de délicieuses jerky et bâtonnets de viande de qualité supérieure. Il y a beaucoup de textes, on va continuer, c'est le fun. Chez Jack Link's, nous n'utilisons que des viandes de première qualité, les meilleurs assaisonnements et épices. Qualité, tradition et esprit d'aventure nous ont guidés depuis plus de 100 ans. Essayez-les, lesquels préférez-vous? Mon nom de famille sur le paquet constitue ma garantie personnelle. Goûtez-y, nourrissez votre côté sauvage. Ce que je trouve quand même ironique, c'est le logo qui reste un bœuf. C'est tout à fait vrai que ça reste c'est de la dinde. Ça aurait été cool, ça avait été une grosse dinde. Ça aurait été pas pire, juste changer pour le fun. Donc, le jerky de dinde de Jack Link's classique est à la fois savoureux, sain et nutritif. Une excellente source de protéines à déguster en toute occasion. C'est assez, on a assez lu d'affaires. C'est un sac refermable, comme tous les produits qu'on ne refermera jamais, parce que, Caroline, ça se mange tout ça. Puis des Jack Link's, t'as beau, et en passant, sans vouloir rien me vanter de ma luxuriante... chronique de malbouffe, c'est dispendieux. C'est quand même 7$ pour le sac. Oh! C'est dispendieux. Donc, mais c'est un sac que tu manges en une bouchée. Il n'y a pas beaucoup de stock dans des Jack Link's pour le prix qu'ils y vendent. Effectivement. En tout cas. Donc, on ouvre ça dans le micro magique, Steph. Mais oui, c'est ça! J'ai oublié le micro magique. Pauvre délaissé micro magique. On découvre Jack Link's à la dinde. Oh, c'était ça violent. Sent la poule! Ça sent la petite poule! Mais, c'est bizarre, parce que ça sent le jerky, mais pas comme d'habitude. Ben, pas la même sorte de jerky, parce que d'habitude, c'est quoi du jerky? C'est du bœuf, complètement? Ouais, c'est bizarre, c'est dur à identifier. Oh, mais on sent les épices typiques à Jack Link's, hein? Oui. Ils servent tout le temps d'un mélange particulier qui fait que c'est le meilleur jerky de tous les temps. Effectivement, dépêche-toi, je veux vraiment goûter. Je m'en prends un morceau aussi. L'odeur est vraiment très, très, très marquée. Es-tu prêt? Et go! C'est mâchouillant pas mal. Hein? Tout comme celui au bœuf. C'est vrai. Ça goûte ce que je m'attendrais à ce que ça goûte. Un petit peu plus... Ça goûte le thym. Le thym? Ah, ça goûte vraiment le thym. Il y a le petit jus que ça crée dans ta bouche, hein, du jerky. Il y a ça même avec la dingue. Donc, la texture est bonne. Ça ressemble vraiment au bœuf. C'est exactement la même texture que le bœuf. C'est pas plus sec ou rien. C'est de la dinde, on pourrait penser que c'est plus sec. Ben, c'est super bon. Ça goûte ce que je m'attendrais à ce que ça goûte, pour vrai. Non, mais est-ce que ça vaudrait la peine de payer plus cher, peut-être, pour celui-là à la dinde plutôt que celui au bœuf? J'imagine que la seule raison que les gens prendraient la dinde, ce serait, j'imagine, peut-être pour des raisons religieuses, des raisons... Ou peut-être qu'il y a peut-être moins de gras à l'intérieur de la dinde. Donc, ça pourrait être un choix vraiment nutritif pour le gras, les protéines. Donc, peut-être comparé, ça serait seulement un choix nutritif. Mais sinon, pour le goût, c'est très bon. Oui. Mais je serais peut-être pas plus porté à aller vers celui-là, même s'il est bon, parce que je trouve que la différence est peut-être pas assez grande avec le bœuf. Et je suis pas fan de thym. Ok, moi j'aime bien le thym jusqu'à maintenant. Non, je suis d'accord avec toi sur absolument tous les points. Je me dirais peut-être quelqu'un qui prendrait la dinde pour sa valeur nutritive, quelque chose comme ça. Pour l'instant, je veux dire, on le voit dans le sac, là, on a mangé deux, il en reste comme une poignée, genre de jerky. Donc je sais pas, tu manges pas ça souvent, c'est un luxe. Donc tant qu'à ça, prends le vrai. Moi, il m'a attiré étant donné son look. Parce que vu que c'est, j'imagine, plus santé, l'emballage est blanc, alors que Jack Link's a tendance à être très, très foncé, rouge, noir, gris, des trucs comme ça. Oui, mais là, c'est blanc et vert. C'est pas le vert. C'est, ben, c'est ça, c'est blanc et un peu de avec sa accent vert, mettons. Et on voit au travers la dinde. On voit l'apparence de la viande qui est très, très... ben, ça ressemble un peu à du bacon, je trouve. C'est plus pâle que le jerky de bœuf. Oui, c'est vrai. Donc, ça ressemble plus à du bacon, à mon avis, visuellement, un petit peu. À du bacon. Un peu, ben, du bacon... pas cuit. Ben, c'est tout simplement, ça ressemble à du jerky pâle. Ben, du jerky pâle, ouais, c'est ça. Ah oui, du jerky pâle. Une autre façon de le dire, ça. Donc, on peut s'en prendre d'autres, là, si t'en veux d'autres, vas-y, va être là. Pendant que moi, je parle de fast-food, parce qu'on a des nouvelles du fast-food à faire. Ah, c'est sûr, j'en prends un autre petit morceau, j'ai pas le temps de temps que ça. Garde, toi, on a le temps en masse, ma. On a le thé en masse, c'est pas très drôle. Donc, les scientifiques essaient de perfectionner la formule parfaite du fromage à pizza, Steph. Okay. Tu sais, en théorie, la pizza, c'est facile à faire. Là. Tu mets de la sauce, du fromage sur de la pâte. Là. Tu la fais chauffer et tout va bien. Donc, mais il y a de mauvaises pointes des pizzas dans le monde. Donc, ça se peut rater une pizza. Ça se peut. Et pas juste des pizzas congelées. T'sais. Donc, le fromage particulièrement est facile à manquer. Son coup, il peut être trop brûlé. Il peut ne pas être assez cuit. Il y a plein de façons de manquer ça. Et c'est plus compliqué si tu utilises un mélange de fromage à la place d'utiliser le traditionnel mozzarella. Donc, quel mélange fonctionne le mieux? C'est un groupe de scientifiques qui ont essayé de régler le problème donc avec des valeurs. Ils ont essayé de quantifier les valeurs du fromage par rapport à leurs propriétés de cuisson et leur performance, leur couleur, l'uniformité de la couleur, le brunissage, j'imagine, et les bulles que ça crée sur la pizza. Donc, ils ont fait des formules mathématiques. Oh boy. Ils ont amené du mozzarella, du cheddar, du Colby, de l'edame, de l'emmental, du gruyère et du provolone. Ils ont fait un paquet de pizzas avec et ils ont utilisé un programme qui s'appelle Lens Eye pour analyser et évaluer les pizzas. Donc, une fois qu'ils savaient de quoi avait l'air la pizza, les fromages, une fois cuits, comment ils se comportaient, leurs caractéristiques, l'élasticité, le contenu d'humidité dans le fromage, la température à laquelle ils fondaient, tous ces facteurs-là ont été utilisés. Et ils nous apprennent maintenant que les meilleurs fromages pour faire la pizza la plus belle et la meilleure au goût, c'est mozzarella, gruyère et provolone. OK. Donc, le mozzarella classique, selon les chercheurs, avait le plus haut taux d'humidité, le plus élevé parmi les 7 fromages qu'on a essayé. Moins d'huile libre, donc l'huile du fromage. Ça, je sais, ça fait ça avec le cheddar. Le cheddar fait ça, parce bon. Il est plus gras. Et voilà, donc l'élasticité aussi était très importante. Donc, il fallait qu'on puisse étirer pendant qu'on prend une bouchée. Et lorsque le mozzarella fond sur une pizza, l'humidité va créer de la vapeur qui va faire des bulles. Et ça va donc, vu que ça s'étire le fromage, ça va laisser les bulles pousser sans éclater. Ah! Voilà. Et vu qu'il y a moins d'huile à la surface, ça va se déshydrater plus facilement, ce qui va créer une grande surface sèche qui va brunir également et qui va donner à la pizza une couleur non uniforme, qui est ce qu'on recherche. Le gruyère et le provolone, eux, sont des bons choix à mélanger avec le mozzarella. Si vous voulez ajouter un petit peu de saveur, un petit kick de saveur, un petit punch. Donc, les deux fromages avaient une performance de cuisson similaire et les deux ont un plus bas taux d'humidité et un plus haut taux d'huile libre que le mozzarella. Et le reste des fromages, eux, faisaient à peine de bulles, donc ne brunissaient pas très bien. S'étirait pas assez. Dans le cas de l'emmental, étant donné qu'il n'y avait pas assez d'eau, ça générait pas assez de vapeur pour faire des bulles. Ce que j'en comprends. Donc, tu peux en rajouter si t'aimes la saveur, mais le produit fini sera pas aussi beau avec de l'emmental. Donc, on rappelle que c'est le mozzarella, bien sûr, le gruyère, et on avait dit à la fin, c'était... Provolone. Le provolone, exactement. Intéressant. C'est le provolone. Ouais. Mais très bon mélange. Ensuite, on va continuer dans le domaine du fromage. Savais-tu qu'en Suisse, il y a du fromage contrefaçonné, du contrefait? Ils font du faux fromage suisse. Du faux fromage suisse, c'est un problème là-bas. Et les mais il reste suisse parce qu'il est quand même fait en Suisse, mais c'est pas du fromage suisse. C'est exact. En fait, c'est ça, le fromage suisse, là, on parle de fromage émental. Hein? Mm-hmm. Les experts dans l'industrie ont estimé récemment qu'environ 10% de tout le fromage émental, donc le fromage jaune pâle avec des trous dedans qu'on appelle souvent suisse, qui est vendu à l'extérieur de la Suisse, était faux. Donc 10% non fabriqué en Suisse. Donc ça peut même pas être nommé du fromage suisse. Comment est-ce que les Suisses font pour protéger l'industrie du fromage qui exporte des centaines de millions de dollars de fromage? Ben c'est par des tests d'ADN. Les fabricants d'ADN. Ben ouais, si on veut. Donc les fabricants de fromage en Suisse vont ajouter un microbe secret à leurs produits pour empêcher les faux. Bloomberg Business Week nous dit que ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans aux scientifiques du gouvernement pour trouver un fabricant de bactéries. qui serait capable de fabriquer des bactéries qui n'étaient pas détectables dans le fromage au goût, mais qui étaient détectables par des tests. Donc, on peut performer des tests même sur de petites tranches de fromage trouvées dans les épiceries à l'étranger et déterminer si c'est vraiment suisse ou pas. Si la bactérie n'y est pas, le fromage ne venait pas d'un producteur approuvé. Et il y a évidemment un paquet de règles pour les fromages suisses. Donc, si tu ne suis pas les règles, ça se pourrait que ce ne soit pas un fromage d'aussi bonne qualité. Donc, ils vont pouvoir poursuivre, j'imagine, les enjeux du marché. Wow! C'est cool, hein? McDonald's, maintenant, en Chine, a ouvert une édition spéciale de son restaurant à la saveur de World of Warcraft. Non! Oui, on a complètement refait, redessiné les McDonald's, un McDonald's en Chine. C'est pour aller avec une expansion pour World of Warcraft qui s'appelle Warlords of Draenor, voilà, qui va donc arriver au mois de novembre. Trois endroits dans les plus grandes villes de la Chine ont été transformés, à Beijing, Shanghai et à Gangzhou. Hein? Vous pouvez voir le décor sur assemblagerequis.com. Même la devanture du magasin a changé. L'intérieur, les décorations, il y a des figurines partout. L'extérieur ressemble à une forteresse. Et l'intérieur, c'est rempli de posters. Je vais y aller! Les gens qui y travaillent portent des t-shirts de l'Alliance ou de la Horde. Donc des symboles sur leur chandail. Pour évidemment choisir ton équipe quand tu entres au restaurant. Okay, est-ce que je pourrais dire « Je veux pas être servi par toi, t'es dans l'Alliance Grosse Torche? » Probablement, un petit peu de racisme là-dedans. Mais non, c'est pas du racisme, c'est pas une question de race. C'est pas des races? C'est pas... C'est des alliances? Oui, t'as des races, mais c'est parce que... t'as des races que t'en as, par exemple, des tribus qui font pas partie ni de la Horde ni de l'Alliance. Donc, c'est pas juste une question de race. C'est clair maintenant, Steph. Il y a un autre restaurant qui s'est transformé, mais pas en World of Warcraft, en Pac-Man. On a révélé très peu de choses jusqu'à maintenant sur le restaurant Level 257. C'est un établissement, une expérience sociale de divertissement culinaire inspiré par Pac-Man. Donc, le restaurant devrait ouvrir en 2015 à Chicago, dans Schaumburg, près de Chicago. Le restaurant va offrir 40 000 pieds carrés d'espace avec 300 places, un cocktail lounge et une allée de quilles de 16 allées. Bref, vous allez pouvoir jouer à Pac-Man, bien sûr, dans ce restaurant-là, dans cet endroit-là. J'espère. Évidemment, et on espère qu'ils vont servir peut-être des cerises, des bananes, des fraises, comme les fruits dans Pac-Man. Sûrement des affaires avec des fruits de Pac-Man et des histoires de fantômes. Ça va être cool. On va jouer d'Hôtel Morphée. Des histoires de fantômes. Des histoires Morphée, de fantômes, ouais. Ben oui, c'est bien raison. Et finalement, as-tu déjà découvert une chip verte dans tes sacs de chips? Ça t'est déjà arrivé complètement vert fluo? Non. Bon, ben, si jamais ça t'arrive, sache qu'il y a une raison derrière ça. Si vous ouvrez un sac de chips comme ça et que parmi les chips, mettons, orange dans un sac barbecue et que tu tombes sur une chip verte fluo, ce n'est pas une gimmick de la Saint-Patrick. Non, ces chips-là sont supposées être là, c'est juste qu'elles auraient pas dû finir dans votre sac. Quelqu'un sur le site Reddit, et ça a ensuite été confirmé par la compagnie Lay's, donc quelqu'un qui travaille chez Lay's, a expliqué ça de façon complètement raisonnable en disant que ces chips-là ont été teintes vertes avec du colorant alimentaire vert. Pour qu'elle soit facile à trouver lorsqu'elle sort de la friteuse. OK? Donc, plusieurs fois par jour, le temps que les croustilles passent dans la friteuse est testé. Et ça fait que les chips sont faciles à trouver parce qu'elles sont vertes fluo. Puis, ils n'ont pas trouvé celle-là. Quelqu'un l'a manqué, a oublié de l'enlever de la sélection pour les sacs. Il y a sûrement des humains qui doivent trier les chips. Ben oui, c'est ça, l'erreur est humaine. Exactement, donc ça arrive. On ne veut pas mélanger, évidemment, les chips testeurs avec le produit fini. Donc, on les... en verre pour être facile à détecter plus tard dans sur le grand tapis roulant. Mais bon, bref, c'est confirmé par PepsiCo et donc par Lay's, par association, que c'est normal, ne vous en faites pas. Et mangez-les quand même, c'est du colorant alimentaire, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est très drôle. C'est cool. Hein? Ah, j'aimerais ça que ça m'arrive. Oui. Mais écoute, on a eu de la misère à trouver une chip épicée dans le sac de Doritos roulette. Imagine trouver une chip verte parmi tous les sacs de Lay's. On n'est pas des gens chanceux, la chance n'est pas de notre bord. Voilà, c'est tout pour les nouvelles de fast-food et c'est tout pour une grosse pointe all dress. Mon Dieu, déjà? Ah, ça a passé vite aujourd'hui. Hein? Master Steph. Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Mathieu. Steph. Demain, c'est quoi? C'est, je sais pas, on a presque pas parlé cette semaine, c'est l'Halloween. L'Halloween. C'est l'Halloween. Ween comme une petite saucisse, Wiener?

on y goûte. Et j'ai eu une inspiration toute particulière pour celle-là. Parce que ça m'a fait penser un peu au style de recette que tu pouvais présenter dans les instructions d'assemblage jadis. Je sais que maintenant, tu t'essaies de pas trop parler d'idées de recettes comme ça. Je t'ai laissé. Mais je trouve que c'est quelque chose, je te dirais, que tu aurais pu présenter là-dedans. Okay. C'est quelque chose de très, très simple parce que c'est plus une idée qu'une recette, je te dirais. OK. Parce que c'est très, très simple. Aujourd'hui, je t'ai apporté, Mathieu, des brioches cannelle et bacon. Ben non! Je te le jure. Un mélange qu'on pensait pas possible. Et pourtant. Donc, c'est très, très simple. C'est seulement deux ingrédients. Si tu regardes la photo 1, donc vous pouvez... J'ai pas vu la photo 1. Qu'est-ce que tu veux dire que j'ai vu la photo 1? Je sais pas. Donc, à la maison, si vous voulez suivre la recette, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Dans les albums photos, il y a l'album Master Steph. On voit la dernière recette et on part avec ça. Brioche cannelle et bacon. Donc, c'est très simple. Ça prend un emballage de brioche à la cannelle grands. Oui, les énormes, grosses brioches. De Pittsburgh. Donc, il y a seulement 5 brioches dans l'emballage et 5 tranches de bacon. Ça, t'achètes le paquet le plus gros possible puis t'en as pour toute la journée. Ben, c'est ça, je veux dire. De toute façon, il en reste, que tu peux faire d'autres choses avec. Voilà. Là, c'est sûr, normalement, j'aurais fait ma propre pâte à brioche. Ben oui, on sait bien. Mais de un, ben, j'étais pressée. Et de deux, je voulais peut-être apporter quelque chose que tu peux faire toi-même très, très, très facilement. Ben, c'est ça. Et on a rencontré cette semaine, si vous avez suivi l'émission, le cuisinier paresseux. Et lui, il prônait la technique de faire de la bouffe bonne au goût. Mais que ça prenne le moins de temps possible parce que c'est paresseux, tu sais. Mais lui aurait pas utilisé des mélanges préfaits. Non. Parce qu'il il va le prôner, la qualité de l'ingrédient. Mais c'est là. Mais il a suggéré des affaires Pittsburgh hier. Il a dit une affaire de pâte Pittsburgh, je me rappelle. Ah ouais. J'étais là. Ah, je m'en souviens pas. Vrai. Donc, si on veut faire quelque chose de rapide, je pense que c'est une bonne option. Mais si vous voulez vraiment, vous pouvez prendre n'importe quelle recette de brioche. Vous pouvez prendre votre recette préférée. Mais moi, je me suis dit, garde, on va y aller un peu facile pour une fois. On a tout simplement l'emballage de brioche de Pittsburgh. Et il y a déjà le glaçage aussi à l'intérieur. Ça, c'est vraiment ce que tu nous montres là, les deux ingrédients que tu viens de mentionner là, il n'y a rien d'autre qui va s'additionner à ça. Il n'y a rien d'autre. Ben non, ça c'est trop facile, je refuse. C'est trop facile pour moi. Trop facile pour toi. C'est impossible. Comment? Mais je te mets au défi de le faire. OK, ben vendu. Si t'aimes ça, bien entendu. J'imagine. Parce qu'on n'a pas encore goûté, on ne sait même pas si c'est bon. Donc, c'est très, très simple à faire. On va commencer par préchauffer le four à 350. Non, j'ai pas de photo, Mathieu, pour préchauffer le four à 350. Donc, on va chauffer un poêlon à température moyenne élevée et on va placer nos tranches de bacon dans la poêle et frire 2 à 3 minutes. Sont-ils belles, hein? Sa photo, allez voir la photo numéro 2. Parfait, c'est délicieux. Non, là, ils sont pas cuits, non, mais regarde la photo numéro 3. Attends un peu, pas l'avant-après. Avoue que la photo 3, le bacon qui frit dans son propre gras. Ben non. C'est de toute beauté. Moi, je pensais que la 2 était belle. La 3 me met à terre. Elle était écœurante, hein? Je te l'avais dit. Donc, on va frire de 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'il soit encore mou, mais légèrement cuit. Ensuite, on va retirer le bacon et placer sur du papier essuie-tout pour essorer le gras. Donc là, tu peux changer de photo et tu vois le bacon. C'est obligatoire s'enlever le gras, ou? Oui, parce que ton bacon va être trop mou et ça va tout détremper dans ta pâte et ça va moins bien cuire. C'est bon. Il faut que tu l'essores, le goût va quand même être là. Ensuite, tu vas ouvrir le conteneur de brioche à la cannelle et dérouler en longue lanière. Tu vas placer une tranche de bacon sur chaque bande de brioche à la cannelle et le réenrouler. Okay. Ensuite, tu vas placer tes brioches sur une plaque recouverte de papier parchemin. Et tu fais cuire selon les instructions de l'emballage ou de la recette de brioche que tu as choisie si tu as décidé de faire ta propre pâte à brioche. Une fois que c'est cuit, tu laisses tiédir les brioches et tu glaces et c'est fini. OK, c'est trop simple. C'est simple, hein? Tu sais, je m'en fais des brioches comme ça une fois de temps en temps. T'sais. Fait que là, juste mettre une tranche de bacon sur chaque... Tu mets une tranche de bacon. Ah, wow, ça a l'air écœurant. C'était... Je vais me confesser. C'était la première fois que j'ouvrais un emballage Pillsbury, OK? Ah, pas la fois qu'il explose, là, si tu le fais pas comme fou. Puis c'est dangereux parce que ça pop, ces affaires-là. Pop, ça pop, c'est fourette, c'est fun, c'est un plaisir de la vie, popper mais, ça. Je sais pas. Finalement, moi, je trouve ça plus facile de faire mes propres brioches que d'ouvrir un emballage comme ça. Mais j'avoue que la technologie n'a pas avancé là-dedans. C'est encore d'enlever le petit morceau de papier sur le bord, puis ça sent le faux complet. Mais c'est qu'en fait, c'était pas clair parce que... Une fois que tu avais enlevé le papier, ça disait d'appuyer sur une ligne, OK, avec une cuillère. Ouais. Mais je comprenais pas le résultat qu'il fallait que ça donne en appuyant. Je savais pas si ça allait popper, ce qu'il fallait que je le transperce. Tu peux aussi juste tordre le tuyau aussi, tu peux faire ça. Ben, pas sur le gros, hein, peut-être pas sur le gros. Pas sur le gros, probablement. Parce que me semble que j'avais déjà vu ma mère ou mon beau-frère tordre le rouleau, puis c'était correct. C'est ce que je fais. Mais celui-là, il fallait que tu appuies avec la cuillère. Mais je savais pas s'il fallait que ça fende le carton ou pas. Oui, faut que ça fende le carton. Mais ça fonctionnait pas parce que à la hauteur de la ligne où j'appuyais, en dessous, c'était l'endroit où il y avait le petit cop de glaçage. Fait que ça transperçait pas. Il aurait dû pas mettre la ligne jusqu'en haut parce que j'appuyais puis c'était dur. Ça perçait pas. Donc, j'ai trouvé ça vraiment chiant ouvrir ça. La prochaine fois, je fais ma pâte à brioche. Aïe, aïe. OK. Et sinon, n'oubliez pas de garder votre gras de bacon quand vous allez le faire cuire. OK. OK, vous pouvez vous en servir pour donner du goût à pratiquement n'importe quelle recette. Moi, je sais déjà à quoi qu'il va me servir. C'est la première fois que je le garde. Ça fait déjà très, très, très longtemps que j'avais fait cuire du bacon. Mais je vais me faire une bonne poêlée de pommes de terre grelots et choux de Bruxelles. Oh! OK? Imagines-tu le goût sublime que ça va donner aux légumes? Hein? Un bon petit goût de bacon, ça va être malade. Oh. Donc, c'est ça. J'ai déjà fini d'expliquer ça. C'est tellement rapide! C'est deux étapes, genre? C'est tellement rapide. Pas de sens. Donc, on va s'en aller en musique avant d'y goûter, bien entendu. Est-ce que tu es prêt à nous envoyer en musique, Mathieu? Tellement, mais qu'est-ce va... que c'est? On s'en va entendre Cinnamon Roll de Mega Flair. OK. Dans Master Steph, Assemblage Requis. Oh, wow! Ah! Wow, c'est bon! Cinnamon Roll de Mega Flair. Hey, c'est sur leur album Sweet Treat, c'est du chiptune, vous savez que j'adore ça. Et en plus, il y a des bonbons sur la couverture. À vous, tu capotes. Tout pour moi, c'est parfait. Ça, je vais en jouer au Mathieu Plante Show, je m'en donne, c'est sûr. Bon. Ouais. Est-ce que t'es prêt maintenant à goûter les brioches à la cannelle et bacon qui ont été confectionnées juste pour toi juste dans Master Steph? Moi? Ah oui, je suis prêt. J'ai la bouche ouverte depuis le début de la chronique. J'essaie de parler malgré le fait que j'ai la bouche ouverte tout le long. C'est bien difficile. Ça s'appelle du... ouais, c'est du lip-sync, ce que je fais. OK. Donc, écoute, j'ai mon plat ici avec mes brioches. Que dirais-tu que j'ouvre mon plat Ziploc dans le micro magique? Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le micro magique dans ta chronique. Ah oui, vas-y. Enfin, on l'a jamais utilisé, je pense. Ah, t'as tout beurré le couvercle. Oh non! T'as tout beurré ça. Mais non, mais t'as juste à prendre. T'as juste à licher le couvercle. Ah, ben, donne-moi ça. Non, pas tout de suite, parce qu'il faut que je goûte au complet avant. Je veux pas me spoiler en lichant le couvercle. Donc, parle-moi un peu de l'odeur de cette brioche. J'imagine que ça doit pas sentir le bacon. Ça sent zéro le bacon, ça sent complètement le glaçage, un peu la cannelle. Ça sent évidemment, tu sais, l'ingrédient principal, c'est des grains de Pillsbury. Je connais très bien l'odeur des grains de Pillsbury, je te dirais, et de tous les produits de la merveilleuse gamme Pillsbury. Mais moi, j'ai été étonnée car ça donne quand même des brioches feuilletées. C'est très feuilleté du Pillsbury, on s'attend pas à ça. Tu vois qu'ils sont feuilletés, donc c'est très gras. Oui, ben oui. Donc feuilleté va avec gras. Pour ça, on a fait. Moi, probablement, tu sais, je le vois à la texture, là. J'ai pas besoin d'y goûter pour voir ça. On le sent déjà en le voyant ou en le touchant. Moi, je préfère les brioches qui sont plus style pain que pâte feuilletée. Mm-hmm. Donc, probablement que je préférerais avec ma propre recette de brioche. Mais toi, je sais que tu vas aimer ça de toute façon. C'est sûr, c'est sûr. Donc, ouais, c'est ça, l'odeur, c'est très typiquement Pillsbury avec le petit glaçage. Ils mettent jamais d'habitude assez de glaçage, mais t'en as quand même pas mal correct. Ben, Il y en a tout le temps, il y en manque. J'en aurais pris un petit peu plus, mais c'est pas si pire que ça. Ils sont radins sur le glaçage, mais bon, que voulez-vous? Toaster Strudel aussi. Fait que, toutes les compagnies qui vendent des affaires du glaçage, ils en mettent pas assez. Ils devraient en vendre en pot. C'est vrai. Pour vrai. On va se le dire. Bon. Donc, je l'ai senti. Maintenant, c'est le moment de goûter. Il va falloir que je prenne une assez grosse bouchée hein, parce que c'est... Oui, c'est ça. Quand même, le bacon est quand même plus vers le milieu. Donc, peut-être que ta première bouchée aura juste pas de bacon ou prends-en une méchante grosse. Je vais avoir de la misère, j'ai l'impression. Attention. On va... Hey, Colin. OK. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais pogner le milieu. Je peux-tu faire ça? Tu disais qu'il y avait du bacon dans le milieu? Ouais, il est enroulé, mais t'auras pas... Non, non, prends deux bouchées, là. T'es-tu pressé tant que ça? Non, non, je suis pas pressé, c'est juste difficile à manier. Ah oui? J'y vais. Mort! T'as-tu pogné du bacon? Oui. T'es tellement chic. J'ai du glaçage partout sur la bouche. Je suis même pas touché à mon micro. T'as goûté-tu? Je goûte pas tant le bacon, attends. Non? Non, mais ça se mélange super bien, du bacon avec du sucré, pour vrai. Mais moi, je pense, en fait, que ça prendrait deux tranches de bacon par brioche pour en avoir vraiment tout le long. Ouais. Je trouve qu'une tranche, c'est assez chiche. Surtout que c'est des grosses brioches. Moi, je dirais que tu y vas avec deux tranches de bacon. Et personnellement, j'aurais fait cuire un peu plus mon bacon. Alors ça va être une bonne bouchée, là. J'ai pogné le milieu, j'ai réussi à prendre le milieu de la brioche. C'est le meilleur. Il y a plus de saveur, plus de bacon. Mais ça, donc, j'aurais mis vraiment du bacon partout sur la brioche et je l'aurais fait un petit peu plus cuit parce que moi, dans la vie, j'aime mon bacon croustillant. Moi aussi. Mais il faut qu'on soit quand même capable de l'enrouler. Mais je pense qu'il aurait pu prendre un peu plus de cuisson pour ça. C'est génial, mais comme tu dis, plus de bacon, moi, je mettrais plus de crémage. C'est sûr que si tu fais ta propre recette de brioche, tu peux faire autant de glaçage que tu veux pour l'accompagner. Donc, tu peux en faire plus pour en mettre plus. Ou si vous tenez vraiment à faire du Pillsbury, achetez-vous deux contenants, prenez la deuxième portion de glaçage de deuxième affaire, puis utilisez la pâte pour faire d'autres choses que des brioches sur la deuxième, dans la deuxième... Par exemple, il y a une recette que ma mère faisait avec les croissants Pillsbury, juste crème cassonade que tu mets sur tes croissants, tu peux sûrement le faire avec les brioches, t'envoies ça au four et ça fait... une crème cassonadée avec qui rentre dans le croissant et c'est juste comme malade. Fantastique. Quelle bonne idée. T'aimes ça avec le bacon? Moi, j'adore. Tu peux manger ça autant au déjeuner qu'au dessert parce que t'as du bacon puis de la brioche. Mais moi, du bacon dans du sirop d'érable, du bacon avec des beans ou au sirop d'érable dans les cabanes à sucre, mettons, le bacon dans du sucré, ça a toujours été gagnant. Moi, j'adore ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Non. Il y en a qui aiment pas le mélange. Comme mon chum l'a recraché hier. Mais là, j'étais un petit peu découragée. J'aurais dû me la recracher dans la bouche. quelle image. Mais non, écoute, moi, j'adore le mélange sucré-salé. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde, effectivement. Mais bacon brioche. Je veux dire, ils font ça dans les restaurants déjeuner. Des brioches avec des tranches de bacon sur le dessus. Pourquoi pas à l'intérieur? C'est quoi la différence? C'est ça. Moi, je trouve que c'est un classique. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Génial. Désolé de me licher les doigts devant toi. J'ai l'air d'un gros cochon. Mais que voulez-vous? c'était Master Steph. Pour l'instant, on a continué avec les trucs et astuces. Bien c'est sûr. Fini, donc, ben non, attention. Non. Là. Oh, les trucs et astuces. Ouh. Trucs et astuces. Oh, oh. J'aimais sa chanson. J'aimais sa mélodie, nous deux. Mais bon. Donc, trucs et astuces de cuisine. C'est du rap. C'était du random recipe, on va se le dire. Trucs et astuces. D'autres cris qui en finissent plus. Donc, Mathieu, un truc pour attendrir la viande. Mm-hmm. Donc, un truc très efficace pour attendrir la viande. Lui dire des mots d'amour dans l'oreille. Non, l'attendrir. Même la plus dure, on va utiliser du thé. Donc, en effet, le thé contient du tanin qui permet d'attendrir la viande, qui va devenir en fin de cuisson fondante et très facile à couper. Intéressant, hein? Très facile, donc, ouais. Préférez tout de même de mettre du thé non parfumé dans la viande, au risque que celle-ci prenne un goût un peu particulier, mais une ou deux poches de thé va t'aider à attendrir la viande. Mais ça revient à ce que j'ai dit, d'y souffler des petits mots doux à l'oreille, parce que, tu sais, des fois, genre, talk dirty to me, tu sais, parle-moi genre salope, là, tu sais, genre, tout ça, tu dis des... Fait que là, c'est, ah, tanin, t'es dormi tanin, tu sais, des tanins. Ouais. Sinon, tu peux juste dire, t'es belle, t'es... T'es belle, là. T'es fine. C'est ça. T'es sexy. Next! T'es... toujours pour attendrir la viande, si t'as un doute sur le côté tendre d'un steak ou d'un roast beef, mais une fois cuit, il va être trop tard parce que, en effet, les fibres musculaires se rétractent pendant la cuisson. Donc, si tu veux éviter ça, tu peux mettre le steak dans un sac de congélation et taper dessus avec à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. OK. T'as le droit, tu peux taper sur ta viande. Mais idéalement, que tu le fasses comme une fois que t'es rendu chez vous, là, pas à l'épicerie, là, c'est malaisant. Après l'avoir traité de salope, l'avoir fait ça à l'épicerie, puis avoir giflé ça dans... Ah, wow. Sinon, pour le roast beef, tu peux le piquer à plusieurs reprises à l'aide d'une fourchette dans tous les sens et préférer une cuisson à point. Résultat garanti. Ouais. Ensuite, pour cuisiner le riz, si vous l'aimez tendre, donc versez votre riz dans l'eau froide et faire cuire. Okay. Et si au contraire, vous l'aimez ferme, vous plongez votre riz dans l'eau bouillante et vous faites cuire. Non seulement il sera bien ferme, mais il ne collera pas. Ah, oh. Donc, dépendamment si tu l'aimes tendre ou un peu plus ferme, tu vas avec le... soit dans l'eau et tu fais bouillir tranquillement ou tu le mets direct dans l'eau bouillante et ça va changer la tendreté. Moi, je dirais 100% tendre. Tendre? Oui, tendre. Donc, tu le mets dans l'eau froide puis tu le pars dans l'eau. Dans l'eau froide. Ensuite, pour éplucher les betteraves. Dès que vos betteraves sont cuites... OK, donc tu les fais cuire avec la pelure. Donc, dès qu'ils sont cuites, plongez-les dans l'eau très froide, presque glacée. Et ensuite, vous n'aurez aucun mal à éplucher les betteraves. Ça va s'enlever tout seul. Mmh. Ensuite, pour nettoyer efficacement une planche de bois. Donc, pour nettoyer vos planches en bois, saupoudrez du gros sel sur la planche, puis frottez avec un demi-citron. Rincez, séchez bien et voilà, votre planche en bois va être désinfectée et toute propre. Et c'est écologique. Frottez sur un gros Marcel. La camisole, le Marcel. Oui, d'accord. Non, c'est ça, il faut être en Marcel pour faire ça. Et finalement, un truc pour bien nettoyer ces fruits, OK, et les faire durer plus longtemps. Tu vas les placer dans un évier rempli d'eau. Tu vas ajouter une tasse de vinaigre. Tu fais tremper 10 minutes et ensuite, tu rinces bien. Et apparemment, les fraises lavées ainsi sont bonnes pendant 2 semaines. Ah. Donc, tu vas allonger la durée de vie, tu vas bien les nettoyer pour enlever tous les pesticides et autres cochonneries comme ça. Cool! Voilà! Et c'est déjà tout pour Master Steph. C'est super! Moi, j'ai un petit peu soif, j'ai comme le gosier un petit peu sec. Fais-tu du smoothie, Mathieu? Il y a l'air bon, en fait. Ouais. Mais non, c'est une grosse pointe tendresse. C'est une grosse pointe Aldresse. C'est la chronique où on goûte à un produit qu'on peut retrouver facilement dans le commerce. Et en plus, on parle de nouvelles de fast-food. Yeah. Deux choses qui vont très bien ensemble, je trouve. Oui. Et aujourd'hui, Steph, je te sors le produit de mon sac rouge traditionnel. T'as peut-être entendu que ça gling-glang-gling-glang, hein? Non, vrai? J'ai mes écouteurs sur la tête. Ben ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça gling-glang. Ah, je l'entends, là. Joyeux Noël, la guignolée! Oh, c'est pas Noël avec son sac rouge! Ça ressemble à ça. Je t'ai amené quelque chose à boire, t'as bien compris tout ça. Attention, c'est de l'alcool pour le matin, ça va être bien fun. Elle est froide en plus. J'ai apporté la Smirnoff aux ananas exotiques. Moi, ça m'a impressionné quand je l'ai vu. Aux ananas. Je savais pas que ça existait, bon. Je l'ai vu, je me suis dit, il me faut ça, tu sais. Ben, c'est clair. Donc, je l'ai amené juste une bouteille, je me suis dit que peut-être que deux, c'était ambitionné le matin. Surtout que je peux pas boire d'alcool, Mathieu. C'est ben trop vrai. J'ai oublié ça. Je vais le goûter tout seul, OK? Je m'excuse. Ouais. C'est correct. C'est croyance religieuse. Donc, moi, c'est ça, je suis devenu. Mon Dieu, quelle région on peut pas. Il y en a-t-il qui peuvent pas? Ah, les Mormons. Stéphanie Mormon Paradis. C'est connu. Mais bon. Ben, c'est plate, parce que d'habitude, j'aime bien ça, boire un peu d'alcool, me remonter le moral. Ah, c'est drôle. C'est trop drôle pour moi. Ah. Mais bref, en fait, je pense à ça. Ma chronique est non seulement sacrée à terre parce que tu peux pas boire, mais en plus, j'ai oublié un débouche-bouteille. Ah, mais ça, c'est pas un problème. Tu sais que moi, bah, non, mais ça se dévisse pas, ça? Non, ça se dévisse pas. Ma chronique est super bien préparée aujourd'hui. Non, c'est vraiment utiliser un décapsulaire. Je suis vraiment full préparé pour cette chronique. Je vais essayer de pas péter la bouteille. OK. Essaye-toi. Est-ce que tu veux que je parle pendant ce temps-là ou t'as le temps? Et c'est ouf. Hey, wow! T'es vraiment forte. Hein? T'es vraiment forte. Là, on a juste entendu bang. Ah, il y avait Danny qui venait nous sauver, sinon, mais non, finalement, on est quand même. Ah, attends, fais entrer Danny! Il nous entendra pas. Quand même, il faut absolument amener Danny. Danny, viens t'asseoir, Danny. Il y a le temps, Danny, ce matin, là, de goûter un petit peu d'alcool parce que Steph, elle peut pas, parce qu'elle a des croyances mormones, elle peut pas boire, tu sais ça? Prends un nom. La chasse au micro. Il a fait exploser le micro magique. Yes, c'est lui, Danny. Allô? Ça va? Tu vas me sauver ce matin, Danny, parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais fait avec ça. Aujourd'hui, on goûte Danny dans une grosse pointe en dresse à de la vodka aux ananas exotiques. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, mais je l'ai vu prendre une petite gorgée. Non, ouais, c'est même pas vrai. Croyance mormone. Ça sent le Bacardi Breezer. Ça sent jusqu'ici, ça en fait, le Bacardi. L'été, ça va être rafraîchissant. Moi, je me suis dit qu'on a besoin de ça en ce début d'hiver, clairement. Tout à fait. Donc, aux ananas exotiques, on va. Est-ce que tu veux m'aider à lire la bouteille, vu que c'est toi qui l'as dans tes mains? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Ben, c'est une. Ouais, c'est l'été, hein. C'est l'exotique. C'est des belles couleurs jaunes, vertes. Et c'est encore. C'est quoi encore? Encore. C'est leur petite série de trucs fruités. Ah, OK. Non, c'est parce qu'ils demandent un rappel. Tu peux pas en boire juste une. et je vois que c'est. Finalement, c'est pas de la vodka qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, c'est de la liqueur de Malte. OK. Boisson alcoolique de Malte de qualité supérieure. Parce que d'habitude, Smirnoff, c'est vodka. Ouais, mais si tu apprends un dépanneur, il n'y a jamais de vodka dans un dépanneur. Oh, moi, je l'ai pris en épicerie, donc peut-être ben, c'est que ça. Est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs. Est-ce que c'est la version dépanneur, le Encore, peut-être que c'est justement leur gamme de produits moins. Oui, exactement. C'est leur gamme d'épicerie, ça, exactement. Tandis que si on va à la SAC, eh bien, c'est la Smirnoff vodka. Oh, ouais. OK, donc, il y a souvent des bouteilles faites pour faire des mix, mais c'est style vodka. Hey, j'ai vraiment la vodka comme une vieille, là, comme ma tante. Fait qu'il n'y a jamais de gin, de vodka et tout ça. C'est comme des imitations c'est à savoir. C'est toujours du malt, liqueur de malt. J'aurais jamais deviné. C'est seulement 4,8% d'alcool. Ça va. Je pense qu'on est habitué à ça. C'est 330 ml, une bouteille tout ce qu'il y a de plus normal. Mm-hmm. Elle est consignée. Oui, elle est transparente. Elle est belle aussi. Ça fait très, très vacances. Là. Ça nous fait penser aux Smirnoff Ice dans le temps. Ben, c'est ça. Les Smirnoff Ice, on a toujours aimé ça. Mm-hmm. Moi, j'ai hâte de voir si la saveur va être trop chimique. Possible. D'ananas, d'après moi, ça risque de l'être un peu. Puis le petit goût de malt est particulier d'habitude aussi. L'alcool de malt, d'habitude, c'est difficile pour moi. On va l'essayer. Ça va être dur pour l'estomac, ça, tu veux dire, pour le reste de la vie. Non, mais aussi, le petit goût, c'est pas pareil, mais c'est comme, mettons, le faux sucre. Il y a un petit goût qu'on. L'aspartame. Il y en a que ça les dérange pas. Mais moi, je trouve qu'il y a un petit goût là-dedans. C'est pas ça, mais ça fait ça. T'es sensible à ça. On va l'essayer. Ouais. C'est toi qui fais toutes les tâches de Steph pour cette chronique-là, je pense, parce que. Le micro magique juste à côté de toi. Ouh. T'es content ouais, d'utiliser. Ouais, faut que tu fasses pousser des seins. Ben, j'en ai. Ben, là, pas autant que moi. Et non, non. Pas autant que Mathieu. Ben, Mathieu, on n'est pas pire. On est pas super. Booby. Pas super bien. OK, donc on écoute verser ça dans le micro magique. Dans un beau verre à carton. Ben oui, de la chasse galerie, on les remercie. Oh, beau petit bruit de glu. Est-ce qu'on en. On met ça au complet. Vas-y. On n'est pas là pour se faire peur. Garde-toi. Putain, ça, c'est ton bord, il y en a plus un peu. Ça ressemble à de l'eau. Ça ressemble à de l'eau. Poche, ça sent pas l'eau. Non. Oh non. Oh, ça sent les vacances. Ça sent le Bacardi Breezer. C'est vrai. Jaune. Tu verrais un petit parasol là-dedans. Oh, oui, oui. Il manque juste la chaleur, la plage et le bonheur. Les bikinis, puis les fesses. Ah oui, le top des fesses. Le top des 50 plus belles fesses, il manque ça. Mais on crée l'été en studio. On crée même l'événement. On crée l'événement. C'est fou, est là. Okay, il écoutons. Était, en tout cas. Il était. J'aime le fait qu'elle soit froide. Ah, n'est-ce pas pire? Le petit goût de malt me dérange pas. Non, il me dérange pas non plus. Ah, c'est positif. La petite arrière-goût, là. Il y a un petit goût de pain, là, c'est ça, le malt. De pain, OK. De pain tranché ou de pain l'arbre? Non, mais non, de pain céréal, mettons, je pourrais dire. OK. Quand tu fais, il y a un petit goût de pain. Ah oui, OK, je comprends. Pain, oui. Ben, c'est le malt, ça. Ouais. C'est vrai. Ça goûte, je dirais que c'est le genre d'ananas qu'il y aurait dans une gomme. Ouais, mais c'est pas si pire, pareil. C'est pas si. Tu sais, c'est chimique, là. C'est pas affreux, mais je sais pas. On va regoûter, ouais. De toute façon, il y a trois gorgées là-dedans, cette histoire. Mm-hmm. Je bois tellement vite, moi, l'alcool. Mm-hmm. Ah, c'est l'enfer. Mais oui, c'est vrai qu'il boit vite le matin. C'est terrible. Puis ça, ben, ça se boit. Moi, ça me fait penser avec la pina colada. OK, oui. Ben, parce que ananas, tu sais, fait que. Le petit fit, ça fit pina colada. C'est bien, je trouve. Je suis agréablement surpris. Je pensais vraiment moins aimer ça que ça. Surtout pour quelque chose d'épicerie, là, tu sais, de l'alcool. Toi, d'habitude, t'es plus fancy, t'es microbrasserie avec le temps d'une pinte à ta chronique le jeudi après-midi dans le dîner de compte. Ça veut dire. Là, comme on peut boire n'importe quoi. C'est ça. Si c'est alcoolisé, c'est bon. Tu prendras pas quelque chose vrai, à. Je prends pas de Molson. Est-ce que tu prends des 0.5 des fois? Arc. Jamais de la vie. Une course light, genre. Arc. Mais non, c'est pas si pire. Puis c'est parfait, là, une petite comme ça à deux. Oui. Peut-être qu'une au complet, le temps qu'elle vienne chaude, ça serait désagréable. Tu l'as dit tantôt, froide, c'est comme un must. T'as parce pas le choix. Que ça serait du sirop, sinon. C'est ça. Moi, c'était dans le frigo toute la nuit. Et puis, ce matin, en m'en venant, il faisait super froid aussi. Donc, c'est resté froid. Ouais, je t'ai vu arriver, tempête dans le toupette. Ça va-tu pas d'allure un matin? On a d'autres choses à faire que juste goûter. On va parler de nouvelles de fast-food. Danny, tu peux rester si tu veux. Vas-y. C'est vraiment comme tu veux. Puis Steph est là aussi. Donc, participons tous ensemble à parler de crème glacée, camouflage. C'est Baskin Robbins qui va sortir ça. Oui, toi. Si vous allez voir sur assemblagerequis.com, il y a tout ça. C'est First Class Camouflage, une nouvelle saveur disponible chez Baskin Robbins avec des bouts de chocolat, de caramel salé et de crème glacée. Salé. À savoir de gâteau. Elle a perdu son salé. Je me force. Elle nous dit qu'on le dit pas correct. Et en plus, non seulement leur crème glacée est couleur camouflage, mais le cornet est aussi camouflage. Mm-hmm. C'est beau, là. Quand tu veux manger de la crème glacée en forêt, là. Ben c'est ça, ou sur le champ de bataille. C'est ça. Un instant. Moi, je prendrais vraiment celui-là, Sunday, là, avec le caramel. Ouais, il est un must, hein, celui-là. Les petits morceaux de, on dirait, Oreo, crème fouettée. De la crème fouettée, tu sais, je veux dire, c'est toujours un plus. Là. Tout le monde gagne, c'est ça. La vraie crème fouettée. Le fer, en plus, est transparent dans le Sunday, le truc. Ben, pour pouvoir conserver sa propriété de camouflage. De camouflage, sinon, ça sert à quoi, tu sais. C'est ça. Je crois, Danny, tu l'as peut-être vu, il me semble que tu m'as glissé un mot là-dessus, que c'était un beigne glacé avec à l'intérieur un cheeseburger. Est-ce que t'as déjà vu ça? Non! Ça a-tu l'air dégueulasse? Non, ben, j'y goûterais. Goûterais moi aussi! Hey, on a tous vu les cronuts, c'est les mélanges de choses ensemble, oui. De différentes saveurs. Ça peut fonctionner, c'est à Philadelphie. C'est le PYT Burger, ça, c'est un restaurant. Moi, je trouve ça pas pire. Steph a l'air de vouloir vomir. Steph est dégoûté. Ouais. Ah, mais c'est le haut de cœur, c'est ça, des conditions. Des convictions religieuses. T'sais. Ah, ben oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas halal. C'est pas halal. Non. Donc, bacon, cheeseburger, donuts, c'est un beigne glacé avec à l'intérieur un cheeseburger au bacon crémeux. Ben sérieux, moi je le trouve et j'ai faim. Avec en plus des petits morceaux de bacon, des bits de bacon. Peut-être que si j'étais pas mormone, j'écouterais. Si t'étais pas mormone, si seulement. Était pas okay. Pourquoi t'es mormone depuis hier, genre? Ah, ben ça gagne. Tellement mormone. Chacun ses choix, elle a lu la Bible au complet puis le Coran, puis tout ça pour être sûr de choisir la bonne, tu sais. Okay. Ensuite, ça c'est pour Steph, je pense. Danny, tu serais sûrement moins fan de ça, mais je crois que Steph, ça pourrait t'attirer. Mais moi, ton cheese donut, sérieux, il me donne faim, il est beau, sérieux. Puis j'aime le sucré salé avec du bacon. Ça serait clair, hein? Mais ça, malheureusement, ça se fait pas dans un pot. Ah. Des fois, en cadeau, on va recevoir un pot avec un mélange de brownie dedans. Tout ce que ça va faire, c'est ajouter de l'eau ou des trucs comme ça, des œufs, je pense. Juste à droite. Ben, le liquide. Le liquide. Donc, le liquide ajouté dans un pot. Et ici, c'est un livre de 100 recettes faciles à faire dans des pots. Oh! Non, c'est cool. Je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Donc, tu as des assaisonnements, des mélanges de trempettes pour les chips, mettons. Tu as des biscuits. Des soupes, des collations et plus. Moi, c'est le plus qui m'intrigue le plus. Donc, recipe in a jar. Tout ce que vous avez à faire, quand vous recevez ça ou que vous le donnez en cadeau, on ajoute, ça peut être du lait, des œufs, du beurre, d'autres périssables comme ça. On le fait cuire au four ou peu importe comment ils le demandent. Et ensuite, tu as juste à faire le ménage. Exact. Bon. Je pense que, Steph, c'est un message. Je pense que Mathieu aimerait s'en faire donner. Plein. Tu sais qu'il aurait juste à sortir un peu d'eau. Pas le livre. Non, tout, c'est les pots déjà. Mais frère. C'est ça. Moi, ça me prendrait le livre. Là, si jamais, Mathieu, tu me le donnais à Noël, moi, je te fais des pots. OK, bon. Méchant deal, pour vrai. Non, mais c'est parce que... Signe où, tu sais. Il y a témoin, en plus. Il y a témoin. Est-ce que t'es musulman et mormon? Non, moi, je suis... Comment on dit ça? Athée. À tes souhaits. À thé ou à café, ça dépend des jours. C'est pas très drôle, c'est ça, c'est pas très drôle. Non, c'est ça qu'il faut avec un livre comme ça, parce que tu peux pas mettre n'importe quelle recette en pot. Parce que si tu mets, mettons, le siècle de biscuits dans un pot, mais que les ingrédients secs doivent pas être mélangés tout de suite en même temps, ouais. Ben tu peux pas tout le mettre dans le pot, parce que là, il faut que tu tries, puis c'est vraiment ordinaire. Là. C'est pas point d'eau, là, dans ce temps-là. Mais je pense que le livre doit être fait pour ça. Ouais, hein? C'est ça, c'est pour ça que. C'est pour les caves, là. Ça prend un livre. C'est écrit, on dirait, à main. Le more dans le titre du livre est écrit au crayon feu. C'est ça, pour les nuls. C'est pour les nuls. Et la photo a été prise par un nul, en plus. Hey, c'est magnifique. C'est un effet de glow. C'est vrai que la couverture du livre est assez dégueulasse. Ouais, ouais, pour c'est vous comme... décrire, là, c'est un fond rose avec des étoiles, OK? Et les peaux sont à l'avant-plan avec un effet de brillance. Mal cadré, en passant. Mal cadré. Oui, oui. C'était mal cadré. C'est pas ça. Oui, mais sinon, il n'y aurait pas eu de place pour le texte de 6 pieds de haut. 6 pieds de haut. C'est 100 more easy recipes in jars, seasoning and dip mixes, cookies, soups, snacks and more. Et puis tous dans un fond différent à chaque mot, puis une grosseur différente à chaque mot aussi. C'est de l'art, Dani, ne questionne pas l'art. Du lard. Du lard. Et finalement, un restaurant de l'Iowa qui offre un rabais. Une chinoise. Oui, qui offre une chinoise. Qui offre un rabais pour ceux qui veulent bien mettre leur téléphone dans une boîte en entrant. C'est bien. Donc, si tu es capable de mettre ton téléphone, c'est dans une boîte à souliers en arrivant au restaurant, tu vas avoir 10% de rabais. C'est à Sioux City. Génial. En Iowa. Qui ont commencé à faire ça. Les gens sont maintenant habitués à le faire. Ça fonctionne très, très bien. Pourquoi ne pas faire 10% de rabais? Si tu n'as pas de téléphone, as-tu quand même ton rabais? Ah ben tu en amènes un qui ne marche pas. C'est ça. Un faux, là, tu sais, pour mais en non, faire mais un Tu demandes à quelqu'un qui a... Tu sais, le monde change de téléphone, il y en a plein. T'en mets... Oh, tiens, téléphone, il marche pas. Mais c'est pas ton grave. iPhone 5S, ça n'est pas... En fin de semaine, j'étais allé dans un bar à Québec, puis il y avait une pancarte « No texto » avant de rentrer. Oh. J'ai trouvé ça génial. Ça m'a donné le goût encore plus d'y aller, sérieux. C'était vraiment une place exceptionnelle. D'accord. Une belle pancarte, « No texto », génial. « No texto ». Yes. Alors, on va voir si ça se propage dans d'autres restaurants. Je sais pas si ça va avoir du succès, parce que les gens ont besoin de leur téléphone quand quelqu'un d'autre s'en va aux toilettes dans le couple, mettons. T'sais, il se passe, tu peux pas manger une baguette de pain de plus, il faut que tu textes quelqu'un. Ah non, tu peux penser aussi puis rien faire dans la vie. Tu sais, des fois, ça se fait ça. Regarder le monde autour. Juger. Puis réfléchir sur sa vie, son existence. Qu'est-ce que je fais ici avec cette personne-là? Repenser ses choix religieux. Ah, bref, voilà pour cette chronique, une grosse pointe d'adresse. Un dernier petit drink. Je l'ai calé. Ah oui, il m'en reste encore un petit peu, mais je vais faire de la radio, fait que je vais parler dans le micro à la place. Ouais. Donc voilà pour une grosse pointe d'adresse, on fait ça à chaque semaine. Dani, tu repasses quand tu veux, surtout que tu es devant le studio pendant cette chronique-là, tu passes. Ben, ou quand tu oublies ta carte. C'est pas ça pour vrai, pour parce rentrer. Que des fois, j'ai plein le goût de venir. Ben, plein, vient-en. C'est ça. Je suis un peu comme endormi. Ah, il est trop de bonheur le matin. Une grosse pointe d'adresse, c'est tous les mardis. En fin d'émission, milieu d'émission. Et rien de mieux qu'un peu d'alcool pour te réveiller. Pour se réveiller. Ben oui. C'est pas de la vodka, c'est de la liqueur de malt. Merci pour le l'ouvre-bouteille. La vodka, hein? Volca. Même si je l'ai ouvert avant. Ben oui, mais quand même. Ah. Le mérite est là de l'avoir apporté. Bûcheronne. Vodka! merci, Dani. Et retrouvez-le au dîner de con du lundi au jeudi entre 11h et 13h. C'est Dani Janvier. Et ses nouvelles, Zeus! Allez! Ah, on aime ça manger, mais il faut bien arrêter un petit peu, prendre une pause une fois de temps en temps. On se retrouve avec plus de ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur Master Steph et une grosse pointe d'adresse dans quelques minutes. Alors ça, je vous dis que ça nous donne envie de continuer de manger des affaires grasses puis de prendre le plus de poids possible, de l'expansion dans nos minuscules studios, c'est fou. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur Master Steph et sur une grosse pointe d'adresse, nos chroniques culinaires, nos chroniques alimentaires, c'est tout le temps bon dans la bouche. En tout cas, tout le temps, ça dépend. Il y a des affaires qui tombent un petit peu à plat, comme vous l'avez remarqué dans certaines de nos chroniques aujourd'hui. On continue encore pendant un bon bout de temps avec ça, donc restez avec nous pour ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis à maintenant. Voici la chronique Master Steph. Ah,

comme la petite sirène aussi, si tu veux. Mais oui, le gars qui chante dans le groupe Ariel, si on veut, si on veut, ce serait en effet un très bon lien à faire. Mais j'ai vu ça parce que c'est l'été de Noël, ça m'a attiré. Mais je peux-tu voir? Tu mets les montres en arrière de la console. Je vais t'en parler. Mais non, là, mais laisse-moi parler. Montre-les, bon. À caméra 3. Micro magique, on les voit. Voilà, ce sont des thés de Noël, collection des fêtes. En fait, t'as thé de Noël d'un côté, ok, et t'as canne de Noël de l'autre côté. Oh, ça doit être à la menthe poivrée. Je crois que oui. Menthe poivrée, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, y en a un des deux, en fait, la canne de Noël est sans caféine. OK. Alors que l'autre, c'est pas précisé ça, donc de la caféine. Mais est-ce que c'est vraiment du thé d'abord, si c'est la canne de Noël qui a pas de caféine? C'est écrit thé dessus. Ouais, puis l'autre, canne de Noël? Aussi. OK. Les deux, c'est marqué T dessus. OK. C'est marqué. En tout cas, je sais pas. Mais c'est marqué en dessous du logo Ariel T. Peut-être qu'ils font des tisanes puis ils précisent pas quand ça en est. Mais bon, c'est marqué T dessus. Donc, c'est marqué sur canne de Noël, arôme naturel et artificiel. OK. Mm-hmm. T'as 6 sachets pyramidaux par sac. Si je me rappelle bien du prix, je crois que c'était 4$ pour l'emballage, je crois. Donc, les deux, ça fait, je crois, 8. Il me semble que c'était... Mais ça revient quand même moins cher que de l'acheter... dans n'importe quel café. C'est exact. Ouais. Et ils les ont en pot aussi. Ah, j'ai vu les pots, mais j'ai pris les sachets parce que j'étais pas sûr si on allait aimer ça. Donc, on va commencer par canne de Noël. Les saveurs combinées de menthe poivrée et de thé rooibos vous rappelleront le goût de la canne de Noël à chaque gorgée. Thé rooibos, qui qu'on a mauvaise appellation du thé rouge, qui est en fait une tisane. C'est pour ça qu'il n'y a pas de caféine. Ah, tu vois, donc ils sont pas au courant de leurs propres produits. Mais tout le monde appelle ça du thé rouge, mais c'est pas vraiment du thé. C'est pas une plante à thé. Le grand public comprendrait rien si on leur disait les affaires exactes. Hein, c'est comme TVA. Faut que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre. Puisque ce thé ne contient aucune caféine, vos enfants l'adoreront aussi, nous disent-ils. Tout comme le clipper Ariel, donc c'est un rasoir à cheveux, je pense, Ariel, qui, dans les années 1860, parcourait fièrement les mers déchaînées entre l'Angleterre et la Chine et qui, d'aventure en aventure, apportait vers sa patrie. Quand tu dis les mers déchaînées, là, c'est pas les mamans, là, c'est les mers d'eau. Là. C'est pas les mers d'une ville de Trois-Rivières non plus. Faut être précis, TVA. Rapportez vers sa patrie les thés les plus fins et exotiques au monde. Nous sommes très fiers de vous présenter nos thés d'origine pure exclusive, nos mélanges uniques et nos tisanes parfumées. Alors, tu vois, ils sont capables de dire le mot tisane. Mm-hmm. Mais ils pensent que les gens l'achèteront pas si c'est marqué tisane sur le devant de l'emballage. Donc, c'est l'aventure réinventée, ou en anglais, adventure refined, donc une aventure plus raffinée. Je dirais que ce serait une meilleure traduction, mais bon, je ferai pas leur job à leur place. Hein. Donc, on demande, et là, c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec ça, ça demande d'infuser pendant 3 minutes pour le thé canne de Noël. Donc, on va commencer tout de suite, je crois, à l'infuser. Est-ce que l'autre, c'est 3 minutes aussi? OK, oui, l'autre, c'est aussi 3 minutes, donc on va lire le texte de l'autre juste pour faire les deux en même temps. Donc, ça, c'est pour le thé de Noël. La chaleur de la saison des fêtes vous est servie dans un mélange de thé du Ceylan et de thé chinois noir agrémenté d'un merveilleux éclat de pétales de camomille. Donc, dans les ingrédients... des deux côtés, ça se ressemble. Donc, d'un côté, t'as feuilles de rooibos pour canne de Noël et feuilles de thé noir pour le thé de Noël. En pétales de camomille séchée, pétales de centaurée bleuet séché, arôme naturel et artificiel. De l'autre côté, pétales de camomille séchée, serre naturel et artificiel. Donc, pour l'instant, c'est pas mal la même chose. 2,5 grammes par sac à 90 degrés Celsius pendant 3 minutes. Évidemment, l'eau a eu le temps de refroidir un minimum, mais je viens tout juste d'amener les verres, donc on devrait être correct. Ben oui. Je t'envoie ça par la face et on fait ça dans le micro magique. On ouvre des thés de la marque Ariel T. Et je pense que ça va être une gracieuse thé de moi. Oh! Oh, ça sent, hein? Ça sent. Donc, thé de Noël. Oh, ça sent tellement bon! Est-ce que ça sent Noël? C'est ce qu'on veut savoir. Non, pas du tout. Ça sent très floral. Floral et sucré. OK. C'est vraiment très intéressant comme odeur. Mmh. Oui. Est-ce que là, on va avoir le même son à l'ouverture? Je sais pas. Un peu moins brusque, je te dirais, pour la canne de Noël. ça smell the peppermint. Ça sent souvent fort, les trucs à la canne de Noël, le chocolat, entre autres. Donc, toi, lequel t'intéresse? Moi, canne de Noël m'intéresse plus que l'autre. Canne de Noël? Ouais. Évidemment, on plonge pas le sac avant de le faire au micro magique aussi. Hein. Est-ce que les sacs sont vraiment pyramidales? Oui, ça a l'air à ça. Il y a un petit collant dessus, une petite ficelle qui tient bien. C'est beau, j'aime ça, ces sachets-là. Je trouve ça joli. Ça aurait pris une cuillère. Ça a pris une cuillère. Mais il va falloir que je me mette le doigt dedans si je veux que ça cale. Moi, dans ça me dérange pas. Mais c'est bon, je veux pas que tu te brûles non plus. Est-ce que plonge l'autre dans le micro magique par contre? Mais on l'entendra pas plonger. On l'entendra pas plonger, je suis sûr. Un plouc. OK, cool. Bon. Ben, si t'as besoin d'une cuillère, ça te dérange pas de faire des nouvelles de fast-food pendant que tu vas chercher une cuillère. Ça te dérange pas, cool. Donc, on va commencer avec Pizza Hut qui lance son plus grand changement de menu de son histoire. La chaîne va lancer 10 nouvelles croûtes, 6 nouvelles sauces et 11 pizzas de spécialité aux États-Unis. Entre autres, une pizza Cock-a-Doodle Bacon. Ça va être fantastique. Donc, vos choix chez Pizza Hut vont changer dans le futur, au Québec aussi. La chaîne fait sa plus grande évolution de saveur de son histoire. En ajoutant, on a dit 10 saveurs de croûte, 4 coulis de saveurs, donc des coulis là, vraiment comme une lisière de quelque chose, 11 recettes de spécialité, 6 sauces différentes et des pizzas à tranches, pas à tranches, mais à croûte très très très mince, donc des skinny slices. La compagnie va aussi changer son site web en lançant un nouveau logo, de nouveaux emballages et même de nouveaux uniformes pour leurs employés. Les nouveaux produits vont être disponibles à partir du 19 novembre aux États-Unis, donc c'est déjà fait. Et la chaîne devrait lancer sa plus grande campagne promotionnelle en même temps. Donc, il va y avoir le slogan « Flavor of Now », la saveur du maintenant, si on veut, du moment présent. Les nouvelles saveurs de croûte, entre autres, miel et sriracha. Ah. bretzel salé. Hein? D'autres avec des noms un petit peu plus bizarres. L'odeur m'envahit tellement de ce côté-ci du studio, ça n'a pas l'air. Le thé ou les pizzas? Les thés, c'est les deux mélanges de saveurs en même temps. C'est comme... T'as des noms bizarres comme Get Curried Away, donc au curry. Mm-hmm. C'est un jeu de mots. Hein? Ginger Boom Boom, au gingembre. des sauces comme Premium Crushed Tomato, donc tomate écrapoutie premium. J'imagine qu'en français, ce ne sera pas ça. Et Buffalo. Les nouveaux ingrédients premium, entre autres, il y a du salami, des épinards frais, des cerises péruviennes, ça c'est des poivrons, pardon, des piments péruviens. Et puis parmi les coulis, les drizzles, ou peu importe, il y a entre autres de la vinaigrette balsamique, ou vinaigre balsamique. Mm-hmm. Les skinny slice pizza, c'est une version plus mince de la croûte faite à la main de chez Pizza Hut. Tout ça pour 250 calories par pointe. Voilà, 250 calories ou moins pour la skinny slice. 5 options, dont le skinny club avec de la sauce parmesan à l'ail crémeux, du jambon, des tomates, des épinards avec de l'asiago rôti. Donc bref, plein de choses. Sinon, écrit l'article, on s'est mis tellement longtemps. T'as Giddy Up Barbecue Chicken, Buffalo State of Mind, Old Fashioned Meat Brawl et Cock-a-Doodle Bacon. Donc tout ça parce que les ventes sont évidemment en chute libre chez Pizza Hut, donc on essaie de remonter un peu. Ah ouais? Mais tu sais, quand les ventes sont en chute libre, peut-être que la solution c'est de faire de la pizza qui goûte pas le... qui goûte bon, mettons. Genre. Parce que Pizza Hut, c'est pas parmi mes préférés, même pas dans le top 20. Eh, hey, Seigneur, OK. Ça va pas bien, Pizza Hut. Ça va pas bien. Pas très bon dans la bouche, ça, la Pizza Hut. Donc, bref, si ça change, tant mieux pour eux. Ensuite, on y va avec la pizza au carré au Rice Krispies. C'est une série qui s'appelle Don't Eat That John. Don't Eat That John. Voilà, c'est une série d'expériences où on pousse les limites culinaires et de la science en même temps, et même de tout ce que les humains peuvent accomplir. Ils ont déjà fabriqué de la pizza au taco, un smoothie au Doritos Taco Bell. Au Dorito, un Dorito. Juste un Dorito. Un Doritaille. Ils avaient aussi un sandwich French Toast Reuben Nutella, donc au steak, fromage et Nutella. Je crois que c'est bien ça. Donc, bref, il a décidé de faire une pizza. C'est-tu une équipe de recherche de femmes enceintes, ça, là? Mais c'est dégueulasse! Avec des cornichons crème glacée, quelque chose c'est genre. C'est dégueulasse! Des sardines au creton. Oh, miam! Donc, c'est ça, des carrés au Rice Krispies, c'est simple. Ça a l'air simple, mais jusqu'à temps qu'on comprenne que quand on met ça au four, ça va vraiment brûler et devenir très, très mauvais, les carrés au Rice Krispies. Il y a déjà sur Internet des carrés au Rice Krispies décorés avec des bonbons pour que ça ressemble à des pizzas, mais non, lui, il voulait vraiment faire une pizza en forme de pizza. Donc, la première étape était de faire, évidemment, les carrés au Rice Krispies en utilisant la recette officielle de Kellogg. Donc, on combine 3 cuillères à table de beurre, 6 tasses de Rice Krispies et un sac de 10 onces de mini guimauve. J'ai pas regardé combien de temps on était au début. Est-ce qu'on est correct dans le 3 minutes? Ça va? Ça va-tu? Comment? On est-tu correct dans le 3 minutes? Dans quel sens? Tu me dis qu'arrêter, c'est pour le thé. Ben, bon, on va les faire, là. Oui. Ben, non, ça va pas exploser. Pas trop, parfait. Donc, il a couvert ses mains de beurre. Il a fait des boules de Rice Krispies pour faire une pâte à pizza. Il a fini avec trop de carrés Rice Krispies qu'il a fait manger par sa fille. C'est super intéressant. Donc, un des défis, comme je disais, c'est que les carrés Rice Krispies vont brûler si on les laisse trop longtemps dans le four. Donc, il a besoin de mettre la pizza au four assez longtemps pour faire fondre le fromage sans brûler le Rice Krispies. Après avoir formé la croûte, il a placé ça dans le congélateur pendant une heure. Pendant que c'était dans le congélateur, il a démarré le four en le mettant à 525 degrés Fahrenheit à broil. Il a aussi ramolli le mozzarella déchiqueté ou râpé en passant au micro-ondes pendant 20 secondes. Donc, le fromage était déjà un peu fondu, ce qui a raccourci le processus. Donc, la croûte était dans le four et en faisant tout ça, il a réduit le temps que ça allait prendre tout en préservant la croûte. Et c'était un succès. Après avoir assemblé les ingrédients, il a fait cuire la pizza pendant environ 4 minutes pour que le carré Ice Krispies devienne plus brun et que le fromage fonde complètement et se fasse un petit grillé dessus brun. Et il l'a goûté et ça goûte super bon. En fait, il dit « Do eat ». This wonder from my kitchen. Mangez ça. Sa femme a décrit ça comme étant, ça lui rappelait vaguement les cannes les cannes de pâte. Tu sais, les pâtes en canne. Ça goûtait un petit peu ça qu'elle trouvait. Mais ça va être bon d'abord. C'est rassurant, hein. Tabarouette. Génial. Est-ce qu'on en fait un autre, non? Moi, je continue sans arrêt, sinon. Continue là. C'est ta chronique, Mathieu. Ouais, non, je sais, mais. Mais le thé est prêt. Le thé est prêt. Le thé est prêt, mais il est peut-être trop chaud encore pour le boire de toute façon. Parfait. Donc, continuons avec un truc vraiment excellent sur YouTube, Steph, que tu vas peut-être aimer si tu veux jouer un tour à quelqu'un. Que je connais peut-être déjà aussi. Est-ce que tu connais le tour de la banane tranchée à l'avance? Ben oui. Si tu connais ça, moi, je le connais. Je connais tous les trucs de banane. Ah, t'es tellement hâte avec tes bananes. Je suis la pro des bananes. Ah ouais, mais ça. Donc, si on regarde la petite vidéo sur YouTube, je l'ai postée sur assemblagerequis.com, c'est quand même assez simple. Donc, on ouvre la banane et on montre qu'il est déjà tranché. Là. Ça va jusqu'à maintenant. T'sais. Donc, le truc pour commencer, c'est de prendre une aiguille et de la planter dans la banane, mais juste avant de transpercer la deuxième pelure. Donc, tu vas commencer d'un bord de la banane avec la banane couchée sur la table ou peu importe, et tu vas y aller jusqu'à temps que tu touches à l'autre côté de la pelure et tu vas faire un petit mouvement de va-et-vient d'un côté à l'autre pour trancher. Et là, tu vas faire ça à chaque quelques, mettons, je sais pas, un centimètre de distance. Et à la fin, tu vas donner évidemment la banane du côté où c'est pas transpercé par des trous, où tu vas la montrer à la personne et tu vas montrer que la banane est déjà tranchée. Ça paraît presque pas, en fait, non. Les trous, mais ça paraît quand même un peu. Quand tu l'as dans ta main, mais ouais. Si on veut pas que ça noircisse, peut-être mettre un peu de jus de citron. Peut-être que ça pourrait aider. Bonne idée, j'aime ça. Mais sinon, c'est de le faire quelques secondes, quelques minutes avant de le montrer à l'autre personne. Puis ça va être, ça prend pas de temps à noircir. Si peu que ça. Et pour terminer, c'est chez Starbucks. Il va y avoir bientôt façon de se faire livrer son pumpkin spice latte à la maison aux États-Unis. Starbucks qui va permettre aux clients de commander et d'aller... en fait, c'est pas vraiment de se faire... Ben, on va l'expliquer dans l'article, là. Je me rappelle de l'avoir lu, mais c'est ça, c'est pas vraiment à la maison, c'est plus que tu vas pouvoir passer devant tout le monde, finalement. Donc, tu vas pouvoir aller chercher ta boisson et ta nourriture. C'est comme une passe VIP. C'est comme une passe VIP, donc tu n'auras pas à quitter... c'est ça. OK, je me rappelle pas du reste de l'article, donc je vais commencer par le début. Starbucks, au mois de décembre, qui va commencer à offrir un nouveau système de paiement mobile et une application pour commander à Portland, en Oregon. Donc, les gens vont pouvoir entrer chez Starbucks, venir chercher leur commande, s'attendre en ligne. Ça va sortir, dans l'Oregon en décembre et ensuite en 2015, partout aux États-Unis. Au niveau national. Pour l'instant, c'est pas encore au Canada. Et Starbucks, dans la deuxième moitié de l'année, va commencer aussi à livrer nourriture et breuvages dans des marchés sélectionnés. Donc là, c'est vraiment des livraisons. On parle au bureau, entre autres, qui va être un programme de loyauté qui va faire partie de l'application donc pour créer un sentiment d'appartenance et de fidélisation, je pense qu'on pourrait dire. Donc la chaîne essaie de s'adapter au changement de comportement des clients. Ça, c'est ce que le CEO a dit lors de l'appel des quarterly earnings, donc l'argent que Starbucks a fait pendant l'année. Donc, c'est, selon lui, l'application mobile, l'innovation de technologie la plus importante de l'histoire de la compagnie. Donc, ça va être cette année que ça va se passer. On ne sait pas encore dans quel marché ça va être disponible, la livraison, mais ça s'en vient. Ça, on le sait. Je pense que c'est à peu près le résumé de la chose, mais ouais, il me semble aussi que ça livrait au bureau. Ouais. Donc, c'est tout pour les nouvelles de façon. Voilà. Maintenant, on est prêt à goûter le thé Ariel. Oui, donc moi, je t'envoie le canne de Noël, qui est en fait un mélange de rooibos, pétales de camomille séchées, puis d'autres saveurs. Là. Naturelles et artificielles. C'est ça. Voilà. Sûrement plus d'art naturel. Pétales de safran. C'est drôle. Ben, en fait, ça veut rien dire. Ça se trouve à être le pistil de la plante. Donc, la plante s'appelle pas safran. Hein? C'est le pistil. Je me souviens pas c'est quelle plante. Là. J'ai un blanc de mémoire parce qu'en fait, si tu achètes du safran américain, c'est pas du vrai safran, c'est une fausse plante. C'est pour ça que le safran espagnol est si cher. Et savais-tu qu'au Québec, il y a un endroit maintenant où ils cultivent du vrai, vrai, vrai, véritable safran et c'est à Saint-Élie-de-Camp. Wow! C'est tout près d'ici. Cool! Donc, on peut avoir du vrai bon safran québécois, mais qui est du véritable safran. Ouais, ça franchement intéressant tout ça. Fait que bref, il n'y en a pas là-dedans. Ils font que des mensonges, Ariel, donc sur leur thé, parce qu'à date, on a découvert sur le très, très peu de texte qu'il y a là-dessus, deux mensonges flagrants jusqu'à maintenant. Pelle du thé, c'est de la tisane, puis l'autre, ils disent fleur de safran, puis ça n'existe pas. Pétale. Pétale. En tout cas, OK. Et moi, ici, j'ai un thé de Noël, ouais, qui est un mélange de feuilles de thé noir, de pétales de camomille séchées, de pétales de centauré bleuet séché. Je sais pas trop c'est quoi. Pétales de centauré, c'est une plante, mais pourquoi bleuet séché? Je me suis demandé la même chose en les attendant. C'est bon. Bon, donc moi, je goûte de mon côté en premier. Ah, ça sent bon. Pourquoi je peux pas goûter en même temps? On peut goûter en même temps, on s'échange après, hein? Non? On fait juste goûter chacun de notre côté. On peut changer. Ouais, ok, parfait. On va faire ça. Mais tu vas pogner mon rhume. On va pas faire ça. Donc, gorgée, allons-y. C'est très, très, très menté. Je sais pas. Ah, il est petit sucré. Il est aimanté. Ben là, c'est dangereux. Approche pas ça de ta carte de crédit. Ça goûte ce que ça devrait goûter. Il y a en effet, ça rappelle vraiment les cannes de bonbons. Ouais, ça goûte beaucoup la peppermint. Je trouve que oui. Et c'est pas dérangeant. C'est juste même rafraîchissant, je te dirais. Moi, je te dirais que je suis un peu déçu. Ah, pour vrai? Ça goûte quoi? Il sent meilleur que ce qu'il goûte. Il est beaucoup, beaucoup moins sucré qu'à l'odeur. Ça, je suis sucré. Je trouve que ça me pogne un peu, là, mais mm-hmm, il est pas très, très sucré. Il est juste un petit floral léger. Okay. Fait qu'on dirait que je vois pas le Noël là-dedans. C'est pas très festif, mettons. Ouais, c'est peut-être ça le problème là-dedans. Ouais. Je vais goûter, moi. Vas-y, moi, de mon côté, je trouve que c'est réconfortant. C'est parce que c'est chaud. J'ai dit que c'était rafraîchissant à cause de la menthe, ce lait, en effet. Mm-hmm. Mais ça englobe un peu, vu que c'est une sensation plaisante, je trouve. Ouais. Je te ferai goûter. Je vais t'envoyer un sachet. Mm-hmm. Moi, c'est très concluant de mon côté. Mais pas toi. Mais je l'aime. OK. Mais tu dirais pas que c'est un Noël. C'est pas mauvais. Non, c'est ça. Il manque le petit quelque chose qui ferait que ça serait Noël. Ça fait pas Noël. Ben non. Noël, c'est de la neige. Ouais. Ça doit être quelque chose de très en bouche, justement, comme la menthe. Quelque chose de sucré. Peut-être quelque chose avec des épices, comme gingembre, cannelle, quelque chose comme ça, peut-être. Chez David Tea, t'as le thé au lait de poule. Eggnog. Pour vrai? Une de mes amies a détesté absolument ça et ne le recommanderait jamais, mais peut-être que ça te rappellerait peut-être plus Noël. Je sais pas. Mais en fait, j'ai jamais bu de lait de poule moi, de ma vie. C'est une tradition de l'acheter chaque année, boire à peu près le quart de la bouteille puis de le jeter le reste. Ben écoute, tu m'inviteras. Okay. Ça pourrait être l'occasion que j'y goûte. Et puis on pourrait finir une pinte pour la première fois de la vie. Peut-être pas, mais t'en gaspillerais moins, en tout cas. Ben c'est une bonne idée, j'aime ça. Continuer la tradition du lait de poule, c'est pas mal bon. Donc c'est l'été Ariel. On a choisi thé de Noël et canne de Noël. Il aurait pu dire qu'il y en a bonbons, mais comme vous voulez, qu'il y en a. Moi, j'aime bien. Et ça me donne envie d'essayer un petit peu les autres produits, Ariel, parce que je ne sais pas si c'est de l'avoir laissé exactement la bonne durée de temps, parce que tu es une maîtresse du thé, mais je trouve qu'il est parfait. Il n'y a aucune amertume, il n'y a rien dedans que j'aime pas. C'est juste ça goûte vraiment très, très bon. Voilà, Ariel, et j'ai vu aussi à l'épicerie qu'ils ont sorti plein d'autres produits. On n'est pas là pour faire de la pub pour eux, mais ils ont sorti plein de, je sais pas, c'est des cafetières, des théières, des affaires, Ariel. Donc, je pense que c'est nouveau. Et moi, c'est tellement nouveau pour moi, et à l'épicerie, je l'ai acheté, que, évidemment, et comme à chaque semaine, quand je vais chercher un produit moyennement nouveau, il n'est pas dans leur ordinateur. Il faut qu'ils cherchent le prix, qu'ils rentrent dans l'ordinateur. Je prends tout le temps. Je suis comme le premier à acheter des produits comme fréquemment à l'épicerie. Pour cette chronique-là. Ben, c'est bien, c'est ça. C'est le but, c'est ce que je veux faire, en fait. J'aime ça. C'est ma carrière, là, mon choix de carrière, de faire des fast-food comme ça, des affaires comme qui n'ont pas d'allure. Malbouffe, c'est ce qu'on fait dans une grosse pointe d'adresse chaque semaine. Habituellement, même c'est malbouffe. Ça dépend, ouais, c'est ça. Pas tant malbouffe, là. Non, mais tu sais, ma définition est bien large. C'est juste pas des fusées de légumes. Mais canne de Noël. Ben, c'est ça. C'est des bonbons. Moi, je trouve. Mais tu sais, c'est ça. La définition est propre à chacun. Mais moi, c'est très large. Un peu comme je deviendrai avec ces chroniques. De toute façon, on s'en sait que c'est ta chronique. C'est ça. Ou comme dirait une sage, je m'entorche. Genre à toutes les affaires que je dis. ça me dit quelque chose. Ça sent un peu de qui on parle. Mais je t'apprécie énormément. Donc, une grosse pointe d'adresse. Habituellement, les mardis, on fait ça dans le milieu de l'émission. On s'en fout un petit peu. On s'entorche. Où est-ce qu'on fait ça? T'sais, ça change vraiment quelque chose pour vous autres. Non, vous l'écoutez rien que des meilleurs moments pareils. Fait que fuck you. Écoutez-nous en direct. C'est quoi l'affaire? Bande d'aigre. OK. Ah, nous voilà déjà rendus à la fin de cette compilation guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur Master Steph et une grosse pointe en adresse. Toutes les informations, toutes les recettes, toutes les nouvelles de fast-food sont disponibles sur assemblagerequis.com et sur la page Facebook, facebook.com/assemblagerequis. De la part de ma co-animatrice Stéphanie Paradis et de moi-même Mathieu Plante, passez une excellente journée et à la prochaine! Bye! Mm-hmm.